transite de moi, yeah. Je sais que est-ce moi les prix. C'est non. We're enough complice. Qu'on s'en. Qu'on s'en. Oh yeah. Please, I'm not the beast of burden. My emotion, my burn now.